La nuit ce soir est à nous, est à moi, et vous êtes là de l'autre côté. Nous allons voyager grâce à la musique et nous laisser guider. Je ferme les yeux. Ferme les yeux. Vous êtes impuissant. Je contrôle tout, je devine vos pensées. Le destin, il est entre mes mains. Il est dans mes pensées. Et nous sommes dans la nuit. La nuit est dangereuse et vous le savez. Parmi vous, certains se sont aventurés la nuit. On y rencontre des gens bizarres la nuit. Ça m'étonnerait. Ils ne mordent pas, mais ils te bouffent l'esprit. Il est là. Un homme. Je ne te décrirai pas cette personne. Il te suffit de te concentrer un peu. Et sans te crisper, tout en te détendant comme ça, en t'allongeant relaxé. Imagine comment tu vois cet homme. Imagine comment tu vois cet homme. Imagine comment tu vois cet homme. Imagine comment tu vois cet homme. Imagine comment tu vois cet homme. Non, pour l'instant, vous déconnez. Vous n'avez pas commencé comme ça, tous les deux. Parce que sinon, je vous balance. Ok. Mais arrête de gueuler, on n'a rien fait. C'est toi qui crie tout seul, là. Pour l'instant, qu'est-ce que tu me fais, là? Bah, je fais rien, j'ai coupé les auditeurs pour qu'ils répondent à la question. Si vous voulez arrêter de fumer, c'est à vous de le faire. Moi, arrêter de fumer, non, je pourrais pas. Non, je pourrais pas. Je suis prêt. Oui, attention, écoutez bien. Sur la tête de Max. Je suis prêt d'arrêter de fumer. Moi, arrêter de fumer, non, je pourrais pas. Moi, je te jure, sur ta tête. Non, mais c'est bon, j'arrête de fumer. J'arrête de fumer. Arrêter de fumer, non, je pourrais pas. J'arrête de fumer. Que pensiez-vous de la poésie? Si oui, pourquoi? Attends, pour un temps, c'est quoi ce bordel que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il va faire, l'estomac? Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as là? Impeccable.